Ma vie sur l'EBS. C'était il y a longtemps. Je voyais mes parents entourés de leurs enfants, un de plus à tous les ans. Ma mère forçait bien gros pour que le chèque soit plus gros. Mon père, tout un homme, en plus de faire des marmots, il travaillait au noir. Ils ont pas besoin de savoir, les jeunes du gouvernement. On en veut de l'argent. On faisait la belle vie, on vivait sans souci. Ma mère allait au bingo, mon frère au casino. Et à tous les soirs, il buvait sa caisse de bière. Puis le premier du mois, c'était une grosse pizza. Et nous autres, les enfants, on était bien contents. On gâtait même le chien, un T-bone pour Tintin. Et ben maintenant, c'est moi qui est parent. Je suis comme mon père, je vis sur le BS, puis je travaille au noir. Une vie bien remplie et aussi pleine d'amis. Assis à chaleur, nous chantons tous en chœur. Nous sommes de gay BS, on se pogne les fesses, tout en buvant de la bière, du matin au soir. Il y a beaucoup de jaloux qui voudraient faire comme nous. Ils se disent travailler en maudite gang d'écœurants. Ils nous traitent de pourris juste parce qu'on reste au lit. Vous êtes bien trop niaiseux, espèce de peureux. Vous vous dites travailleurs, que vous avez du cœur. Qu'est-ce que vous avez gagné? L'argent, c'est important. On en a besoin tout le temps. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse frette, il me faut mes cigarettes, ma bière et mon porto, sans oublier la loto. De la bonne viande, des douceurs, des gâteaux, des chips, de la liqueur. Je vais vous en dire une vraie. C'est dans le mois de juillet. On voulait me faire cueillir des petites fraises avec ma blonde Thérèse pendant les grosses chaleurs. Il y en a pourtant qui nous disent « Fainéant, j'ai juste à respirer si je me sens fatigué. Faut profiter de la vie pendant qu'on est en vie. Je veux vivre très longtemps. Le BS, c'est épatant. » Bon, là, je m'en vais dormir si je veux pas défaillir. Nous autres, les assistés, on n'a pas une grosse santé. Les autres qui travaillent, allez aussi vous coucher si on veut rester chez nous. On a besoin de vos sous. Vous vous dites travailleur, alors faites votre labeur. Bonne nuit! Ben oui, c'est vrai que je suis BS. Pourquoi j'en profiterais pas? Je trouve ça cave d'aller travailler. J'aime bien veiller le soir. Donner le mot, c'est normal, comme là en décembre. Tu devrais voir la bouffe qui nous est donnée. Hey, si t'en profites pas, c'est de tes affaires. Moi, j'en profite. Là, mon ordinateur fonctionne plus. Fatigue-toi pas. Dans une semaine, j'en aurai un. Tout comme une laveuse, presque neuve. La Saint-Vincent-de-Paul, c'est pas pour les chiens. Hein, Sylvain? Dors bien. PS, calice, je suis fatigué juste à écrire ça. Me vois pas travailler d'un bureau. Trop, c'est trop. Alors, vrai ou faux? Non, c'est super bien écrit, passant, félicitations, mais je crois pas ça une minute. C'est une parodie, une caricature de quelqu'un sur le BS. Ah oui, c'est une caricature. Ouais, mais on c'est grossit, super bien écrit. On grossit les traits. Je le sais, là. Je sais qu'ils sont pas tous de même. Je sais que c'est pas tout ça. Regarde, pas besoin de le dire. Moi, j'ai pris le pari que les gens sont brillants, sont capables de faire la différence. Mais il y en a que c'est de même. On a le sentiment, des fois, de se faire dire ça.